cheveux crêpés dans le miroir. Les gars ricanent et rougissent quand ils viennent me voir. Moi je m'ennuie de ces deux jeunes sans poésie. Je vais perdre pied quand un beau garçon me sourit. Je prends mon courage et vais le voir. Ses yeux reflètent et remplissent mon cœur de joie. Moi j'ai compris, cette fois c'est lui qui me saisit. Je vais perdre pied quand enfin ses lèvres me choisissent. Alabama, rejoins-y moi. Regardons les étoiles, crions surtout. Ce gars m'a fait.